D'accord, ils n'ont pas de droit démocratique. Voilà. Mais cette personne qui est montée, ma foi, il va falloir qu'elle vous parle en patois, en fait. Elle parle pas à toi, mais elle te parle à toi. Écoutez, monsieur, j'ai une connaissance de l'arabe assez bonne. Je connais le mot merguez, salat, jumura, et qu'est-ce que je connais encore? Voilà, il faudrait que je demande à mon ami Nabil Djellit. Et sinon, Monsieur Karim, vous avez eu votre certification AKHI? Écoutez, monsieur, je suis aussi député de la République et je défends les musulmans de France. Alors, votre dénomination Akhi et Abou ne me dérange pas tant que vous respectez les lois de la République. Est-ce que vous êtes un AKHI à boulot, comme l'autre qui a voulu pointer la meuf à la station de Nanterre, ou est-ce que vous êtes un Écoutez, AKHI? monsieur, il ne s'est rien passé, c'est un frotti-frotta halal. J'ai demandé à mon ami, monsieur Hafed, à la mosquée de Paris, et il m'a dit que c'était halal. Il y a des frottis-frottas à l'al, monsieur, si vous ne savez pas. Monsieur, excusez-moi, monsieur Botaguilla Rouge, monsieur Boutarbouche Rouge, bonsoir. Salam alaikum alaikum wa alaikum tahiyati kabir. شوف هذه بلاتي بلاتي خليني نكمل اي جمله الله يخليك. شوف شوف هذه مده ما طلعتش لشي سبيس، فهمتي؟ هذه مده ما فتحتش شي تويتر. هذه المره فتحته ولقيتك انت وداير هذا العنوان هذا، قلت لهم الله شنو واقع عاوتاني. يعني ما لقيت حتى شي عنوان الا هذا. Que dit cet individu-là? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas non plus, monsieur. Quelle est cette langue barbare?